Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salati wa salam ala Rasulillah. On continue donc le tafsir de la sourate Al-Fajr. Et on est arrivé à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa'yakulu rabbi akraman. Wa'amma idha mabtalahu faqaddara alihi rizqah fa'yakulu rabbi ahanan. كلا بل تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Donc après avoir mentionné subhanahu wa ta'ala ce qui est arrivé donc ou advenu au peuple auparavant, donc ici il mentionne l'homme et l'homme comment il est. L'homme, comment il est donc vis-à-vis des biens de la vie d'ici-bas. L'homme face à l'argent et autres. Donc Allah dit, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ. Donc on a qu'à ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala. Imma bil khairi ou imma bil shar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala éprouve l'homme. Ou par le bien ou par le mal. Même le bien qu'Allah te donne, c'est une épreuve. Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Et nous les éprouvons avec le mal et avec le bien, donc pour comme tentation. Le mal ou le bien, donc tous les deux sont des tentations. Idha ibtuliya ash-shakhs bil khayr, Allah subhanahu wa ta'ala yabtalihi hatta ya'rifa hal huwa yashkuru ou hal huwa yakfur. Ayashkuru am yakfur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il éprouve la personne dans le bien, c'est pour voir est-ce que cette personne va être reconnaissante ou est-ce que cette personne donc va renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va renier le fait de, c'est-à-dire le fait de ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle sera ingrat. Ou yubtala bish-shar. Yani حتى يعرف هل هو من الصابرين أو هو من الفجار. Et aussi donc il va être aussi éprouvé par le mal pour voir est-ce qu'il va pas se tenir vis-à-vis de, face à ce mal ou est-ce qu'il va accepter ce mal et il fera partie donc de ceux qui sont pervers ou autres. وهكذا يعني حال الناس في هذه الحياة الدنيا. C'est comme ça que qu'est l'homme vis-à-vis de la vie d'ici-bas, du bien ou du mal. Donc toute ta vie sera en vérité, donc tu feras face à des biens et tu feras face à des choses qui ne sont pas bien. Donc à toi de voir comment tu dois être. Est-ce que tu remercies et est-ce que tu patientes? Donc pour cela, il faut en vérité remercier et patienter. C'est pour ça qu'on dit « Enwan al-Sa'ada yaduru bayna al-sabr wa al-shukr wa al-istighfar ». C'est pour ça qu'on dit que la clé du bonheur donc, tourne autour du remerciement, de la reconnaissance, autour de la patience et autour du pardon, le fait de demander pardon. Les annahu idha ibtuliya sabr wa idha utiya shakar wa idha adnaba istaghfar. Car la personne, pour qu'elle puisse avoir été goûtée à ce bonheur, il faut qu'elle fasse partie des gens que lorsque ils ont été éprouvés, ils patientent. Parce qu'ils ont reçu, ils sont reconnaissants. Et lorsqu'ils commettent des péchés, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a ces trois points-là, en vérité, va goûter le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ici, donc, c'est comme ça. Donc, tabi'atun nas mabniya 'ala adh-dhulm wal jahl. Donc la nature de l'homme, c'est qu'elle a été donc, basée sur quoi? Sur l'injustice et l'ignorance. Donc insan yani al-zalum wa al-jahul. Donc l'homme en vérité est quoi? Donc est injuste et il est ignorant. Et c'est pour ça qu'il a accepté de prendre le dépôt du Coran. Alors que personne n'a accepté à part l'homme. L'homme a accepté de vouloir être donc dépositaire de ce Coran. Et Allah a bien dit donc l'homme est quoi? Donc il est ignorant. Est injuste et ignorant. Ça se fait partie de la tabiat al-nas. se fait partie en vérité de la nature de l'homme. Et lorsqu'Allah, donc il dit, et au sujet de l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et lui donne des grâces, l'honneur et le gracie, il dit, mon Seigneur m'a gracié. Il dit, mon Seigneur m'a gracié. Rabbi Akraman. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Puisque la personne, elle reçoit des grâces d'Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Seigneur, il le remercie. Pourtant, Allah ici, il dit bien l'homme. Est-ce que l'homme remercie Allah de façon générale? À chaque fois qu'Allah mentionne l'homme, c'est pas pour dire du bien. On verra que les versets où Allah montre l'insan, l'insan la fait khusr, l'insan la yatra, l'insan, on voit à chaque fois que Allah mentionne l'homme, c'est de façon générale l'homme avec un grand H, donc musulman, kafir, tout le monde, l'homme, donc par sa nature, c'est jamais pour montrer justement les bienfaits. Les bienfaits, on les retrouve chez peu de gens, ou chez les croyants. Mais on ne le trouve pas chez l'homme en lui-même. C'est-à-dire d'avoir de bons caractères, d'avoir de bons comportements, de façon générale. Alors comment ici Allah va dire ici que l'homme remercie Allah alors que énormément de gens justement ne remercient pas Allah? Comment est-ce qu'il y a un verset qui dit bien « Et peu de mes serviteurs sont remerciants ». Alors comment ici l'homme peut être remercié? Il peut être justement celui qui remercie. Il y a une contradiction entre les deux versets. Vous voyez? Parce que Allah il dit « Peu de mes serviteurs remercient ». Et ici, l'homme remercie. C'est parce qu'ici, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il remercie. On croit ça. A priori, on croit ça. À première vue, on croit que le verset veut dire ça. Mais certes, l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, donc l'honneur, elle lui donne les bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Il est en train de dire, je mérite ça. C'est ça qu'il dit. Il est en train de dire, Allah, il m'a honoré. Il m'a donné de l'argent, donc il m'aime bien. Est-ce que c'est une preuve que Allah t'aime s'il t'enrichit? Non. Et le dalil, c'est que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort pauvre. Si la richesse avait un lien avec l'amour d'Allah, le plus riche du monde serait donc le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Sallallahu. Puis après, on l'aurait donc fait ainsi de suite, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Et c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et combien de gens qui détestent Allah et qui sont athées, pourtant Allah leur a justement les a éprouvés et leur a donné. Donc c'est parce qu'en vérité la personne croit que Allah l'a gracié spécialement lui, l'aime beaucoup. Même s'il ne fait rien, mais il aime bien, il m'a donné. C'est pour ça que la personne dit, qala innama utitu ala ilmin indi. Donc il m'a gracié parce que moi justement je suis intelligent, parce que je suis malin, parce que je me lève tôt, parce que ceci. Alors en fait la personne elle dit, certes j'ai reçu ça à partir de la science que j'ai, c'est-à-dire de par ma science. Donc la personne pense qu'en vérité, et ça ne veut pas dire en vérité ici, il ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah, mais il dit plutôt, Allah même alors il m'a donné, mais sans reconnaître les bienfaits, c'est pas en reconnaissant les bienfaits, c'est parce que je mérite cela. Si je l'ai reçu, c'est tout simplement parce que je mérite, c'est tout. Voilà comment il voit ça. Et le contraire aussi. Il y a des gens qui y croient, donc le contraire par rapport au verset après. Wa amma idha mabtalahu rabb faqaddara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Et le contraire. Qaddara alayhi rizqah bima'na dayyaqa alayhi. Donc Allah justement, donc celui dont Allah aussi a éprouvé et a donc délimité sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. Vous voyez, il fait le contraire de l'autre. L'autre, il y a des gens qui s'imaginent parce qu'ils n'ont pas d'argent que Allah ne les aime pas. Mais ça ne veut pas dire ça. C'est pas parce que tu n'as pas reçu de la part de ton Seigneur que cela veut dire en vérité que justement qu'Allah ne t'aime pas. Mais ici, Allah dit bien donc Mabtalahu. Allah donc le quoi l'éprouve. Donc ici, il doit faire quoi? Il a été éprouvé par un bien, il doit être reconnaissant, comme on l'avait au début. Il est éprouvé par un mal, il doit quoi? Donc patienter. Ces deux choses-là, c'est elles qui vont en vérité faire de toi le bon croyant. Alhamdulillah, Allah il te donne. Alhamdulillah, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu une fois un homme très mal habillé. Et il lui demande, il dit, est-ce que tu as donc des biens? Il lui dit oui. De quel type de biens? Il lui dit de tous les biens. Donc il avait des chameaux, il avait donc des vaches, des bœufs, il avait des moutons. Donc il avait de tout type de biens. Il n'était pas un pauvre. Et il lui dit, certes, Allah aime que l'on voit les traces de sa ni'ma sur soi-même. Si Allah t'a donné, ne joue pas là, ne sois pas comme si tu étais le dernier des pauvres. Ne sois pas en réalité comme si tu es en vérité le dernier des pauvres. Vous voyez ? S'il a donné, donc la personne va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et généralement, les gens pensent que, ou bien ceux qui ont des commerces ou quoi, des fois certains disent, ça marche pas, ça marche pas. En vérité, ça marche. Il dit ça marche pas parce que lui, il croit qu'en face, on va lui jeter l'œil. Il faut en vérité se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit. Parce qu'Allah te les enlève. Ah, donc, on sait que Allah dit bien. Certes, donc si réellement vous remerciez, je vous rajouterai, certes. Et ce verset-là, il n'y a pas de short, il n'y a pas à qui il veut. Contrairement à beaucoup de versets, il pardonne à qui il veut, il fait à qui il veut. Mais là, non, il n'y a pas à qui il veut. C'est-à-dire que c'est un droit obligatoire qu'Allah s'est donné pour... Si tu remercies, il est obligé Allah de te donner. C'est le même principe que si tu l'adores sans l'associer, alors c'est interdit de t'entrer en enfer. C'est un droit wajib qu'Allah s'est fait. C'est une promesse qu'il a fait obligatoire. Tu remercies, il te donne. C'est pour ça que les ulama ont dit, ils ont dit que le secret de la continuité avec le fait que les bienfaits, les grâces d'Allah perdurent et continuent, c'est le remerciement. Donc, shukru sir dawam ni'am. Ils ont dit, shukru sir dawam ni'am. Le secret. Si tu veux que tes bienfaits restent, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Et des gens disent non, parce qu'ils ont pas dit, je préfère dire que j'ai pas de sous. Ou bien ils font exprès de se plaindre souvent, et en vérité, ils ont le contraire. Et ça, c'est haram. Normalement, c'est interdit parce que qu'est-ce que tu fais? Tu vas renier les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te places pas ta confiance en Allah. On t'a pas dit de dévoiler ton compte en banque. Latin, dis Alhamdulillah, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'aller venir ruser. Ne ruse pas. Car Allah ruserait sur toi et tu verrais d'autres choses. Tu verrais en vérité des choses qui seront très mauvaises pour toi. Donc il ne faut pas être de cette catégorie de personnes qui jouent les pauvres et qui ne le sont pas. Vous voyez? Donc ici, la personne, donc, elle a en vérité, il s'imagine lui que Allah l'a avili. Donc s'il l'a avili, ça veut dire qu'Allah était injuste envers lui. Si il dit Allah, il m'a avili, Allah, donc il m'a délaissé. Il n'est pas juste envers moi, c'est pour ça qu'il ne me donne pas. Et ça, c'est interdit. Comme la personne qui dit Allah me préfère par rapport à tout le monde, alors c'est pour ça qu'il me donne. Donc, parce qu'Allah, il parle de l'insane. Et l'insane, donc ça englobe tout le monde. Ça englobe l'humain. Ça englobe en réalité l'homme avec un grand H. Après Allah dit, qu'elle est certainement. Allah Azza wa Jal donc ne t'a pas donné, lorsqu'il dit Allah qu'elle je veux dire en fait, Allah, donc il ne t'a pas donné parce qu'il t'a honoré. Ou parce que tu le mérites réellement. Allah ne t'a pas interdit hein, parce que tu ne le mérites pas. Mais tout cela en vérité est selon en vérité d'accord, la hikma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala des fois donne à des gens, même parmi si on parle que des musulmans. Allah donne à des musulmans parce que ces musulmans, avec cet argent-là, ils arrivent mieux à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont besoin de ça pour avoir une certaine sérénité. Et Allah donc leur donne à faire des laisser dans l'islam. Et des fois le contraire, Allah ne donne pas parce que justement il y a des gens que si, tant qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'en vérité, donc ils ne connaissent pas les épreuves de l'argent. Alors ils arrivent à adorer Allah azza wa jalla, tout simplement. Et si ils avaient cet argent, ils changeraient. Ils s'éloignent d'Allah. Donc Allah ne leur donne pas justement, alors c'est un bienfait pour eux. Même si s'ils ne le savent pas, ils le verront dans l'au-delà. Ils le sauront. Alors, c'est un bienfait pour eux. Donc Allah a en vérité des sagesses qui sont énormes. Et à combien de peuples Allah a donné, justement afin de les éprouver, hein, par étapes, petit à petit. C'est ce qu'on appelle l'istidraj. Donc le fait qu'il leur donne, en vérité, petit à petit, ils s'éloignent. En vérité, c'est un mal pour eux. On croit que c'est un bien, mais en vérité, c'est un mal. Des fois, Allah le donne à des gens pour justement les égarer, pour les éloigner. Parce que c'est ce qu'ils méritent, d'être justement éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire attention à cela. Après, Allah dit bien, donc, certainement, c'est pas parce que donc, tout cela, en vérité, fait partie de la grâce de la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement sa sagesse, mais aussi sa justice, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est juste. Bella tukrimun al-yatim. Hein, c'est que, regardez, même si Allah a dit yukrimukum, parce qu'Allah il a bien dit ici, fa akramahu wa na'ama. Hein, l'homme dont Allah lui a donné, hein, fa akramahu wa na'ama. Si réellement il disait Rabbi Akraman et que ça voulait dire en réalité qu'il remercie Allah, il n'aurait pas oublié les gens, ceux qui remercient réellement Allah de ce qu'Allah lui a donné. Il n'oublie pas qui. Allah il commence par les personnes en vérité les plus démunies, l'orphelin. L'orphelin, il est jeune, il n'a pas travaillé pour avoir de l'argent. Il est jeune, il n'a pas de sous, de façon générale, il n'a plus de et il n'y a personne pour l'aider. Donc lui il se retrouve démuni de toutes parts. Donc c'est pour ça qu'Allah il mentionne lui, il commence par lui. Donc certes, vous n'aurez pas, donc vous n'aidez pas à Kulahel, vous n'aurez pas et vous n'aidez pas donc l'orphelin. Alors ce matin a commencé ici par l'orphelin. Afin, parce qu'en vérité, ils ont besoin ici quoi? C'est pas juste Moussaada. Alors il n'a pas dit Bella, hein, Kalla Yane, Bella la tout ça aidouna al-yatim par exemple. Allah il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit vous n'aidez pas l'orphelin, il a dit vous n'honorez pas l'orphelin. Et honorer c'est fort. C'est plus que hein, aider. C'est plus qu'aider. Donc c'est bien, donc c'est leur donner, leur acheter ce qu'ils ont besoin et être gentil avec eux avec la parole, être doux avec eux, être comme si on était quoi? Un père. Comme si en vérité tu vas remplacer le parent. C'est comme si tu vas remplacer le parent. Vous voyez comment Allah il a utilisé le mot, il a dit tout krimoun. Elle écrame, on sait. Hein, celui qui croit en Allah le jour dernier, qui honore son invité. Parce que tu as un invité chez toi, tu vas l'honorer. Le jour où il va venir chez toi, tu vois que le repas il va être différent des jours habituels. Tu vas augmenter, il y aura plus de viande, il y aura plus de fruits, il y aura plus de délices, ça, il y aura plus de boissons et tout ça. Donc tu vas faire du thé, tu vas faire du café, tu vas poser les cacahuètes. Et tu vas faire ce que d'habitude tu ne manges pas. Ça sera, tu vas augmenter. Donc tu vas faire quoi? Tu vas faire ce qu'on appelle donc l'ikram. Cet ikram, donc il est différent. Donc Allah Zahir nous demande, il dit bien, donc ici, certes, vous n'honorez pas l'orphelin. Et Yatim, bien sûr, donc c'est celui dont le père est mort alors qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Si le père meurt alors que lui il a atteint l'âge de la puberté, il ne fait plus partie des Yatim. Il ne fait plus partie donc des Yatim. Et celui dont la mère est morte, mais le père est toujours vivant, on ne le considère pas comme Yatim, comme orphelin. Dans le sens où il a de quoi recevoir. Parce que le père est là pour travailler pour lui. On ne le considère pas, donc on n'appelle pas le yatim en arabe. C'est celui dont le père est mort, alors qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a appelé le yatim, donc qu'il serait riche ou qu'il serait pauvre. Parce qu'il peut très bien avoir reçu un héritage. Et son père peut-être aussi, donc, lui a donné. A laissé quelque chose. Mais le fait que lui n'a pas atteint l'âge de la puberté, il ne peut pas encore recevoir cet argent-là. Le tarsim, il ne se fait pas comme ça. Le taxim, il va se faire justement, il y aura ça plus tard. Donc, même s'il avait de l'argent, tu es bon avec lui, afin en vérité de lui faire oublier un petit peu cette solitude, hein, le fait qu'il n'y a personne pour l'aider. Certains salafs ont dit, ils disaient 40 ans, je n'ai pas ressenti que je n'avais pas de père. Parce qu'il y avait toujours des gens pour les aider. Il n'a pas dit 20 ans, 40 ans, ça y est, il y a longtemps qu'il sait se débrouiller. Il y a longtemps qu'il peut en vérité donc faire. Mais quand tu as l'habitude de faire du bien à des gens, tu n'attends pas d'avoir qu'il a 20 ans pour que tu le laisses, tu l'aimes tellement que tu continues, en fait ça continue. Et s'il avait 40 ans, et si la personne avait 20 ou 30 ans de plus que lui, on peut comprendre que la personne l'a peut-être aidé jusqu'à la mort, et après la personne est morte, c'est qu'il a aidé. Donc il dit 40 ans, je n'ai jamais ressenti que je n'avais pas de père. Dans le sens, alhamdoulilah, les gens ont toujours recherché à aider ces gens-là. Ils ont compris en vérité ce que Allah Azzajal demande, justement, par rapport à l'orphelin. Donc voici comment Allah mentionne l'homme. avec l'argent, et après il mentionne aussi donc, ses défauts. Le fait qu'il délaisse les gens, et spécialement donc il commence par l'orphelin. Après, voilà tahadun ala taram al miskin. Ça veut dire ici, et vous ne vous encouragez pas à quoi à nourrir le pauvre. Allah n'a pas dit et vous ne nourrissez pas le pauvre. C'est-à-dire, il dit là, vous n'incitez pas les autres à nourrir le pauvre. C'est plus fort que le fait de quoi? De dire, vous ne nourrissez pas le pauvre. Parce que si tu c'est-à-dire que, honte à nous, le fait de ne pas dire à notre frère, va nourrir un pauvre. Même ça, c'est honte à nous. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus fort. Parce que si tu es censé dire aux gens, nourrir le pauvre, tu es censé quoi? Avant tout le faire. Mibem Aoula, avant tout le faire. Vous voyez comment Allah il a dit, il a parlé pour montrer que ça c'est encore plus fort, c'est ablar. Il n'a pas dit vous ne nourrissez pas le pauvre. Vous ne dites pas aux gens de nourrir les pauvres. Donc parce que non seulement quand tu le dis, tu es censé le faire, et en plus tu le dis aux gens de le faire. Donc tu en vérité quoi? Tu es en train de propager le bien. Tawassi bil haq. Tu es en vérité donc dans tawassi bil haq. Le fait de justement de recommander en vérité la vérité. D'aider justement donc qui ici donc de nourrir le pauvre. Vous voyez, c'est ablar, c'est plus fort. C'est pas juste la vérité de dire, ça s'arrête pas juste à soi-même. Parce que si tu le fais, et en plus, il y a celui qui montre un bien, il aura la récompense en plus de ce bien-là. En plus, si tu le fais, tu auras la récompense. Et si tout le monde propage ça, et ben le bien se propage. Si tout le monde dit en vérité, il faut que tu nourrisses le pauvre. Donc, on comprend que tu le fais. Et ça rentre pas dans le riya à ce moment-là, ça rentre pas dans l'ostentation. C'est la chose qui est justement donc permise. Parce que des fois, lorsque dans la communauté il se passe pas des choses, c'est bien que certains voient ce que tu fais afin qu'ils soient encouragés par rapport à cela. Mais on ne le fait pas pour que les gens le voient. Mais on le fait parce que des fois ça se perd dans la communauté et on va le faire pour que les gens le remarquent. Pour que les gens le remarquent. Alors que dire de ce mois du Ramadan où peut-être des gens donc, en vérité, ne peuvent pas en vérité faire l'iftar de façon normale. Que dire du pauvre qui n'arrive pas en vérité à manger hein, comme il le faut par exemple au Maghreb. Hein, dans ces journées en vérité en plus des fois difficiles, longues. Et après il dit aussi Watakuluna Turasa Aklanam. Turasa, c'est ce qui veut dire en vérité donc l'héritage. Donc vous mangez en vérité donc ce qu'Allah vous a donné. En héritage. C'est comme si c'était un héritage de la part d'Allah Azzawajal. Les biens, la subsistance que Allah Azzawajal t'a donné. Ce que Allah Azzawajal t'a délégué. Il t'a laissé ça, mais en vérité, c'est une amana. Ça devient en vérité un dépôt. Tu en es garant. Tu dois en vérité donc faire attention à comment tu vas en vérité dépenser cet héritage. Donc en vérité, tu vas le manger donc vraiment de façon en vérité exagérée. Hein? Tu vas en vérité donc. Dépenser on va dire cela de façon exagérée. Après il dit subhanahu wa ta'ala, et vous aimez l'argent d'un très grand amour. Et vous aimez l'argent d'un très grand amour. Combien de gens donc ont délaissé la religion, la prière, ou bien même s'ils prient encore mais on les voit plus à la mosquée, on voit bien que leur situation vis-à-vis de la foi a changé, à la diminuer, le fait qu'ils sont trop dans le commerce, le fait qu'ils sont trop, par exemple, dans investis dans la vie d'ici-bas, dans le travail ou quoi. Et ils délaissent totalement la religion. Ils délaissent totalement, j'ai plus le temps, ils disent. Comme s'il avait été créé que pour travailler. Pourtant, Allah, il dit bien, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, ils ne donnent plus à Allah sa part. Voilà, tensa, nasiba kamina dunya. Ils prennent ce verset, ils ne le comprennent pas. Ils le comprennent à l'envers. Et n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Ce verset, il ne veut pas dire, les gens l'utilisent pour dire que ça veut dire qu'en vérité, il faut travailler. Ça veut dire en vérité, n'oublie pas ta part dans l'adoration de la vie d'ici-bas. Revenez au Tessir et vous allez voir. Ça ne veut pas dire la Tansana Seba Kamel Dunya. Et n'oublie pas ce que tu dois faire. Tu vois, c'est dans la vie d'ici-bas, donc des prières à faire, des jeûnes à faire, le Hajj à faire. Il y a un nasib. Il y a au moins un minimum à faire. Donc n'oublie pas ce minimum dans la vie d'ici-bas. Les gens ont crié que dans ces babakas, ça veut dire ce que tu gagnes. Mais ça ne veut pas dire ça. Revenez au TFC et vous verrez. Ça ne veut pas dire en vérité, alors ils utilisent ce verset pour dire je ne passe ma vie que dans la dunya. De toute façon, c'est adoration, c'est bon. Et après, on ne va pas adorer. Parce que justement, cette dunya, elle t'aide à adorer. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir te subvenir à tes besoins, à celle de tes proches, ta famille, aux orphelins et autres, et de payer la zakat, c'est ça? C'est ça l'adoration. Mais c'est pas juste gagner de l'argent, et oublier Allah, et délaisser même les prières, et délaisser beaucoup de choses, et rentrer le soir et prier 5 prières en retard, qui seront bien sûr rejetées sur ton visage, et elles ne sont pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu pries 5 prières à la même heure. Fawailun musalli, c'est justement pour ceux qui ne prient pas à l'heure. Alladinahum an salatihim sahun. Et eux, ils sont châtiés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont être châtiés le jour dernier. Nabissam il a vu, ils ont vu châtiés dans la tombe déjà. Ceux qui justement qui ne respectaient pas la prière à l'heure. Donc la prière ne change pas. Elle reste à l'heure. Il n'y a pas quelque chose qui passe avant. Alors Allah a bien dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration la plus importante, si elle, elle est délaissée, comment voulez-vous que l'autre, elle soit, le reste soit vérité parfait? Donc la personne, si elle travaille, elle demande naturellement au patron de pouvoir prier Allah. Combien de gens l'ont fait, ils ont réussi. Ils ont peur, ils cachent. Il ne faut pas cacher. Le patron, combien d'entre eux, ils ont accepté? Viens franc devant lui, ça va le... Et remets-toi en Allah, et tu verras en vérité qu'Allah va faciliter. Vient franc devant lui, il va aimer justement les personnes franches. Et justement, il facilite. T'as affaire à un humain, et c'est Allah qui tient son cœur. C'est pas lui qui tient son cœur tout seul. C'est Allah qui tient son cœur. Il le change comme il le veut. Il faut pas en vérité avoir par le seul. Et ceux qui l'ont fait, là, ils ont trouvé des fois des facilités. Donc il le fait normal. Donc vous aimez énormément l'argent. Ça, c'est bien sûr, c'est la nature de l'homme. Là, il y a ici quelque chose qui peut en vérité, donc, ça, c'est la nature de l'homme, d'aimer énormément l'argent. Là, il y a quelque chose qui va faire que cet argent-là, c'est toi qui la tiens, c'est pas elle qui te tient. Il faut que c'est toi qui sois en vérité maître de cet argent, et pas l'argent qui soit maître de toi. Et c'est par ta foi que tu vas en vérité réussir à ce que cet argent-là soit en vérité, donc, emprisonné dans ton bon vouloir. C'est pas toi qui es emprisonné de cet argent-là. Donc, tu vas en vérité, de par toi, bénir Azzawajal, donc faire que tu vas remercier Azzawajal par rapport à cet argent, et tu vas aussi donc le dépenser, d'abord le gagner comme il le faut, et le dépenser comme il le faut. Donc tout simplement, à toi de gérer, à toi en réalité de savoir comment tu vas gérer en vérité ce que Azzawajal t'a donné comme bienfait. Et puis, une fois qu'Azzawajal a mentionné ce qu'il y a eu les peuples auparavant, puis après l'homme et sa nature, un homme vis-à-vis en plus d'argent, vis-à-vis de quelque chose qu'il gagne tous les jours, pratiquement, il passe à ce qui va arriver, donc ce qui va advenir le jour dernier. Ce qui va advenir. Donc ici, وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى. Donc certes, ici, lorsque la terre en vérité va être aplanie, totalement aplanie, et on verra pas donc, on verra, donc ça sera une terre qui sera toute plate. On voit que les montagnes elles vont s'affaisser, donc les montagnes elles vont tomber, elles vont devenir poussière, ça va devenir donc ça sera tout plat, une terre vierge qui sera en réalité blanchâtre, rougeâtre, ça c'est le jour dernier. Donc c'est comme si on faisait l'esplanade, une seule terre, un terrain plan, un grand terrain plan. Et on voit que c'est une terre neuve. Donc ni les gens, donc elle n'a pas été altérée par le temps, par le vent, bien par les pluies ou quoi que ce soit. Elle est blanchâtre, rougeâtre. Blanchâtre, rougeâtre, comme ça. Il n'y a rien, donc ni construction, ni pierre, ni arbre, rien du tout. Il n'y a rien du tout sur cette terre. Donc ici, lorsque cette terre sera comme ça, et que bien sûr, donc, il viendra ton Seigneur avec les anges par rang, rang par rang. Donc Allah Azzawajal viendra, donc magie. Donc c'est une preuve que Allah Azzawajal viendra. Wajja Arabuka, et ton Seigneur viendra. Donc si fait le magie, le fait de reconnaître qu'Allah va venir, il faut donc en vérité reconnaître ça. C'est pour ça ici donc, ou qu'on va le il réfléchira la personne ici. Parce que la personne dira donc yatazakkaru insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu hayati qaddamtu li hayati. Oh malheur à moi, j'ai en vérité fait devancer ma vie d'ici-bas. Ce qui comptait pour moi, c'était simplement la vie d'ici-bas. Ce qu'il y avait pour Allah, je l'ai délaissé. Je l'ai mis en second plan. Ou voir, je ne m'en suis même pas occupé. Donc la personne va dire ça. Elle insane. Encore une fois, Allah montre encore une fois, elle insane. L'homme, de façon générale. Il fait passer plutôt en vérité la vie d'ici-bas que la vie de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici, montre bien que ce jour dernier, en vérité, c'est lui qui va en vérité faire de toi en vérité l'heureux ou le malheureux. C'est ce jour-là réellement que tu vas en vérité pouvoir en vérité savoir quand est-ce que tu seras heureux, le jour dernier, ou malheureux. Parce qu'il y a ou le paradis ou il y a l'enfer. Il n'y aura pas de solution de retour. C'est pour ça qu'ici, c'est en vérité, c'est ici la maison où tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Tu ne vas pas se sentir dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Afin qu'en vérité, dans l'au-delà, tu sois reposé, tu sois à l'aise. Parce que tu as eu justement les récompenses de ce que tu as fait. Le paradis, c'est par rapport à ce que tu fais comme œuvre. Donc c'est ici qu'il faut en vérité œuvrer. Et ne pas perdre ton temps par rapport à justement à ça. Ne pas reculer, penser que c'est pour plus tard. Parce que si tu n'as pas goûté les délices de la foi jeune, il est difficile de les avoir quand tu seras âgé. Et quand tu seras âgé, tu auras moins de force, moins de volonté. Donc là, il faut en vérité, dès le départ, s'habituer, en vérité, habituer son nefs, justement à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit bien, donc, Ya qawm, innama hadhihi al-hayat ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Au peuple, certes, la vie d'ici-bas, c'est en vérité mata', donc c'est juste en vérité certains délices, le fait qu'en vérité, la personne profite. Le tamata'a profite, mais en vérité, de la même façon comme s'il était en vérité un voyageur. Je passe dans certaines villes, donc je profite de certaines choses et je continue ma vie. Je suis un voyageur. Dans le sens aussi, et après aussi, donc, mais plutôt, la vie de l'au-delà, c'est elle la demeure qui perdure. Dar al-Qarar, celle qui va en vérité ne pas s'arrêter. Celle en vérité qui ne va donc ne pas s'arrêter. Les gens oublient ça. C'est pour ça qu'Allah dit Al-Hakumu Takathur, Hatta Zurtumul Maqabir. Donc vous périssez le fait de quoi? D'acquérir abondamment les biens. L'abondance. Al-Hakumu. Vous tombez dans la vérité, vous allez périr avec l'abondance. Dans le sens où l'abondance, elle vous fait tout oublier. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Allah dit ici, il a appelé donc Hatta Zurtumu. Il a appelé comment? La visite. Lorsque tu visites quelqu'un, c'est long ou c'est court? C'est court, c'est un petit temps. Allah il a appelé lorsque vous visitiez les tombes. Alors quand c'est dans la tombe, on peut très bien rester 1000 ans. Ça, il y a des gens qui sont enterrés depuis des millénaires. Donc on voit que dans la tombe, on peut très bien rester beaucoup plus longtemps que quoi? Que dans l'au-delà. Et pourtant là, il a appelé visite. Alors si déjà la tombe c'est une visite, alors que dire de la vie d'ici-bas? C'est encore moins qu'une visite. C'est encore plus court. C'est pour ça qu'Allah dit Hatta zurtum al-maqab, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Il a appelé Ziyara ici, donc Ziyara, la visite. Et généralement, parmi les adeb de la visite, lorsqu'on va chez quelqu'un, c'est le pas, on ne va pas rester du sauf jusqu'on va chercher lui. L'adeb, c'est de ne pas rester longtemps. Tu le visites et tu ne restes pas longtemps. Les gens ont des choses à faire. Tu restes, c'est ça, c'est parmi les bienséances de la visite. Il y a un temps, vraiment? Rester chez quelqu'un? Mais c'est selon le orf, selon en vérité la coutume. Ouais. Tu le ressens. Tu es occupé, donc tu ne vas pas venir exprès tout le matin pour rester tard jusque tard le soir. C'est pas quelque chose qui se fait. Ça reste court. C'est tu le ressens, ça. C'est quelque chose qui est chez la coutume des gens. Il n'y a pas bien sûr un temps délimité connu dans la sunna. Et après, il vient ton Seigneur avec les anges, rang par rang. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit Wajja Arabbuka. Si c'était pas Allah qui venait, Allah n'aurait pas dit et vient ton Seigneur. Il aurait dit autre chose. Eux ils disent non, viens l'ordre de ton Seigneur. Pourquoi Allah l'aurait dit directement Wajja Amlu Rabbik? Allah a dit Wajja Arabbuka, il ne va pas perdre des gens avec ça. Il ne va pas égarer des gens avec le fait que c'est pas Allah qui vient, c'est Allah qui vient. Il y a des gens qui ne veulent, qui refusent le fait que Allah Azzawajal parle, qui refusent le fait qu'Allah Azzawajal entende, qui refusent le fait qu'Allah Azzawajal descende, qui refusent le fait qu'Allah Azzawajal vienne. Alors c'est Allah qui dit Allah Ja Arabuka, viens ton Seigneur. Allah il nous parle d'une langue qui est compréhensible. Alors pourquoi il nous dit ça et après les gens disent non, ça veut dire ça. Si ça voulait dire ça, ça serait le prophète, ça semble qu'il aurait dit. Non, on ne trouve aucune explication dans les noms et attributs d'Allah qui veut dire autre chose de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent ça. Parce qu'ils ont cru faire du bien en disant que si on dit qu'Allah vient, donc ça veut dire qu'Allah est une essence. C'est-à-dire qu'Allah donc, a un corps, est une essence et il vient. Ils n'arrivent pas à s'imaginer ça. C'est interdit. Là, c'est pas là. Allah Azzawajal, il a une essence, mais simplement, on ne sait pas comment aller. Alors, quand on dit l'essence, vat, hein, on ne sait pas comment aller. Car des sifats, elles sont bien donc composées dans quelque chose. Des attributs, des caractéristiques sont bien composées de quelque chose. On appelle ça vat. Allah va venir. Et comment il va venir? Allah a'lam, tout simplement. Non. On le prend comme le verset est venu. Et on ne va pas dire que ça... Non, c'est interdit de comprendre comme il est venu. Alors, au contraire, on comprend comme il est venu, on ne va pas commencer à l'inventer. On ne va pas mentir. Et ce n'est pas à nous de décider. Parce que si toi tu dis ça, ben l'autre, chacun va dire une interprétation et après on n'aura pas fini. Ils ont voulu faire du bien, donc, soit disant pour ne pas donner de ressemblance à Allah. Et en vérité, ils sont tombés dans ce qui est pire, parce qu'ils sont tombés dans la négation. Ils ont refusé le teshbih. Ils ont refusé, donc, renier la ressemblance. Et ils ont sombré dans quoi? Dans la négation. Donc c'est pire encore. Parce qu'ils ont complètement renié. Donc ils veulent faire un bien. Et le fait de dire qu'Allah vienne, ça ne veut pas dire que c'est comme nous. C'est pas un teshbé. Ça ne veut pas dire que c'est une ressemblance. Ce sont des mots qui se ressemblent, mais c'est tout. Après le reste, hein, on le verra bien. Et pour l'instant, on ne le sait pas. Et aussi, parce qu'Allah dit bien, « Laïsa kamis laïché ». Rien n'est comme lui, donc on comprend que c'est pas possible qu'on soit comment qu'il est. Et il dit juste après dans le même verset, wa wa samir el basir. Et il est quoi? Le voyant et l'audient. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il mentionne donc le fait que, bien sûr, il renie le fait qu'il y ait des ressemblants, mais il affirme comme quoi il a des qualités. Il a pris quelles qualités ici, en disant ça? En disant qu'il a, il a montré ses qualités dont tout le monde a. Tout le monde a des yeux, tout le monde a des oreilles. Ça là. Il a parlé de qualité, d'attributs, c'est-à-dire les plus propagés chez les gens. La vue et l'ouïe. Alors pourtant, il a dit rien n'est comme lui. Pour dire hein, qu'en vérité, regardez, il a montré justement ça. C'est pour montrer en vérité qu'il a des qualités, hein, il a des attributs dont aussi les gens ont. Mais simplement, c'est quoi? Mais c'est pas la même chose. Les mêmes qualités, les mêmes attributs, mais c'est pas la même façon. Hein, le fait de voir, le fait d'entendre. Nous, on sait que notre vue, elle est restreinte. Notre oui, il est restreint. Mais Allah, non, il est parfait, c'est complet. Lui, il a les attributs parfaits, complets, nous, non. Et pourtant, juste avant, il a dit, mais rien n'est comme lui. Donc ça, c'est une réponse à tous ceux qui veulent en vérité ou faire ressembler à Allah, ou aussi renier, par rapport à Teshbih et par rapport à le Nafi. Parce qu'en général, on retrouve toujours par rapport à Teshbih et Nafi. Ça, c'est les deux grands axes vis-à-vis, en vérité, des attributs d'Allah, ce qu'on atteint là. Donc, ce qu'il dit, « Ja'am l'Arabic », ils ont, quoi? Ils ont en vérité tout simplement interprété sans preuve. Tu ne peux pas interpréter sans preuve, c'est interdit. Il faut que si tu interprètes, et spécialement dans le domaine de l'invisible. Dans le domaine de l'invisible, on ne peut pas parler qu'avec preuve. Parce que le domaine de l'invisible, il faut trois choses hein, pour pouvoir verter prouver ça. C'est ou bien tu as vu la chose, pour pouvoir verter parler de quelque chose, d'une annonce, de façon générale. Ou tu as vu la chose, ou tu avais un équivalent, ou tu en haut, des gens de confiance te l'ont dit. Tu ne peux pas une annonce, c'est comme ça. Une annonce, c'est que ou ça vient de la part de quelqu'un de confiance, une annonce qui est sûre. Ou tu l'as vu, ou tu connais donc son équivalent. Ou quelque chose qui ressemble. Allah, on n'a pas vu. De ressembler, on n'en a pas. Il nous reste que la troisième chose. Avoir des gens de confiance qui nous disent ce qu'Allah avait fait. Et c'est peut-être que, ou bien, ou Allah, ou son envoyé. Personne d'autre. Le Coran, la Sunna, c'est pas quelqu'un qui va venir, il va dire non, tu sais, Allah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On ne peut pas venir à se permettre hein, d'accepter si la personne. Et la personne va lui dire, toi d'où tu le prends? Il ne va pas dire je la rentre, il va pas dire ah, je le sais. Comment tu le sais? Est-ce que tu l'as pris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on l'accepte de toi? Si c'est le cas et que c'est authentique, on l'accepte. Si c'est pas le cas, on l'accepte pas. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution par rapport à ça. C'est pas quelqu'un qui vient 3 siècles après, 5 siècles après, 10 siècles après, qui décide que ça sera comme ceci ou bien comme cela. C'est interdit. Ça revient automatiquement, surtout dans ce domaine-là, encore plus que dans les autres, directement on veut, donc il est interdit en vérité de parler sur cela. C'est le domaine de l'invisible ici. Donc on doit reconnaître qu'Allah Azzawajal donc viendra. Et comment il vient, Allah A'lam. El Kaifia, on ne le connaît pas. El Kaifia, on ne le connaît pas. On voit bien la parole de l'imam Malik, rahmallah, lorsque l'homme est venu, a dit Ar-Rahman, Al-Arsh Istawa, Fakaifa Istawa. Donc le miséricordieux est établi sur son trône. Et comment il a été établi sur son trône? Dans l'imam Malik, il répond, rahmallah, il dit Al-Istiwa Ma'loumun. Donc le fait qu'il est établi sur son trône, c'est connu. Wal-Kaifia Majhoul. Et dans notre version, c'est Reynou Ma'koul. Donc le comment il est inconnu, ou bien la raison ne peut pas en vérité le concevoir. Wal iman bihi wajibun, et la foi en cela est obligatoire. Wassu'al anhu bid'ah, il dit. Il termine par ça, pour attaquer la personne. Wassu'al anhu bid'ah. Et le fait de poser des questions sur ça, c'est une innovation. Parce que ça, c'est connu, c'était connu justement à leur époque, et répondu que personne ne posait des questions sur le comment. Parce que c'est du domaine de l'invisible. Et tant qu'il n'y a pas de preuves, donc on se tait sur ça. On ne rentre pas dans le comment. Et après, il termine par sortir-le de la mosquée, parce que je vois que c'est quelqu'un de mauvais. Sortez cette personne de la mosquée. Il le fait sortir de la mosquée. Il ne s'arrête pas là. Car je ne vois en lui que quelqu'un de mauvais. Il le fait sortir le même année, quand là. Il le fait sortir. Afin que cette personne-là ne reste pas, elle entre dans le cœur des musulmans des doutes. Et à chaque fois, comment ceci, comment cela, jusqu'à ce que les gens doutent. On t'arrête à Amen to Billah. Je crois en Allah. Lorsqu'il a descendu, c'est tout. Et je ne commence pas à me poser des questions qui vont m'égarer. Ce sont des fausses questions. Et c'est celle-là qui t'égare. Tu crois en Allah et puis voilà. Voici en vérité réellement la croyance des musulmans. C'est pour ça qu'Allah commence dès le début du Coran. Elle l'a dit, Nayyuk minuna bil ghaib. La première qualité dont Allah montre parmi les croyants, c'est ceux qui croient en l'invisible. Allah a dit ça, tu acceptes. Tu n'as pas besoin en vérité de chercher. Tu ne pourras pas savoir. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Si tu as le paradis, on ne peut pas s'imaginer. Alors, comment vous voulez qu'on va s'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment vous voulez t'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala? Et la même chose avant lui, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, ou un homme aussi. Donc aussi, il avait l'habitude de poser des questions comme ça, ambiguës. Il embêtait les gens. Il rentrait des ambiguïtés dans le corps des gens. C'est venu à l'époque de... Donc il était émir à l'époque. C'est venu à ses oreilles. Jusqu'à ce qu'ils disent, lorsque un tel vient, c'est pas un hajj, lorsque personne vient, amenez-le moi. Et lui, il était content. L'émir veut me voir. C'est-à-dire, je suis une personne. Donc, Roman le prend, l'assied à côté, le tient et lui dit, est-ce que c'est toi qui... Tu dis ça. Donc, il a compris qu'il a faussé. Il prend le bâton et il le frappe, jusqu'à ce que... Il a compris, jusqu'à ce qu'il a dit, c'est bon... il a fait Taouba, il a compris. Donc il a fait Taouba, il s'est repenti. Et même plus tard, quand des gens ont eu des divergences par rapport à un mauvais sujet, ils ont voulu le prendre comme juge. Il a dit non, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a remis droit, quoi, en parlant de Omar ibn al-Khattab. Il a remis droit, c'était justement par rapport à ce genre de questions. Par rapport à des sujets qui vont avoir avec ce genre de choses-là. Donc sur Allah Azzawajal, on ne parle pas. Et il y a eu pire encore. Des émirs qui ont tué des gens par rapport à ça. Lorsque la personne a dit égorger, car moi je vais égorger un tel, je suis le premier de vous qui va égorger l'émir dans la khutba, dans la mosquée, il est venu l'égorger un tel. Parce qu'il a dit, il s'est permis de dire qu'Allah n'a pas parlé à Moussa. Il s'est permis de dire que Allah n'a pas parlé à Moussa et que Ibrahim Hassan n'est pas l'ami intime d'Allah. Déjà, il propage ça. Donc il propage du kouf. Et l'émir a le droit de faire ce qu'il veut avec. Parce que ça, ça en va être le fait de faire éloigner les gens de la religion d'Allah. Il a dit, je suis le premier qui va égorger le jour de l'Aïd. Il a dit égorger parce que je suis le premier qui va égorger et il a fait devant les gens, dans la mosquée. dans la salle de prière, là où ils ont prié à Kulhel, à l'endroit où ils ont prié. Et c'est pour montrer qu'en vérité, c'est pas un jeu. C'est pas en vérité un jeu. L'émir, il peut faire de celui qui fait du mal comme ça des choses. C'est facile quand on est dans les pays où tout le monde peut dire ce qu'on veut, alors les gens disent n'importe quoi. C'est pas ça la religion d'Allah ce matin-là. La religion d'Allah, on la protège, on fait attention. On dit ce que les réels enseignements nous montrent. Et on ne les invente pas. Il ne faut pas inventer. Regardez les gens ce qui leur est arrivé. Et qu'est-ce que dit Ibn Qayyim rahimahullah par rapport à ça? Il dit il est mort le jour où tous les croyants ont été contents. Il a péri, dit halaka yawma yafrahul mu'minun. Il a péri le jour où les croyants sont contents. Le jour de l'Aïd, les gens ils sont contents. Et ils sont contents parce qu'il est mort aussi, on se débarrasse de lui. Et de ses mauvaises idées sur les gens. Et lui, il croit parce qu'il parle, ça y est, c'est devenu quelqu'un. Alors il attire des gens. Il attire qui? Il attire en général ceux qui sont faibles d'esprit. Il n'attire pas en général, ou bien ceux que Allah a voulu égarer. Voyez, les versets sont clairs, pourquoi aller ailleurs? Les versets sont clairs, pourquoi en vérité aller ailleurs? Alors il dit bien lorsqu'il a créé Adam, l'imam Khalaqtu, biadi, de ce que j'ai créé avec mes mains. Il ne veut pas accepter ça aussi par exemple. Alors il le dit, pourquoi on cherche à aller ailleurs? Si Allah le dit, pourquoi toi tu vas aller dire non, ça ne veut pas dire demain, ça veut dire ça. Il faut que ce soit le prophète qui dit que ça ne veut pas dire demain. Tu es en train de dire autre chose. Donc, et tu l'as vu? Tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu. Tu as une annonce de gens de confiance dont tu es sûr de cela? Non. Ils sont pas sûrs de ce qu'ils avancent. Parce qu'ils n'ont aucun moustened, ils n'ont aucune preuve que cela veut dire autre chose. À ce moment-là, donc ça devient interdit de changer le sens. C'est interdit. Tu ne peux pas en vérité faire un tefsir de toi-même. Et bien sûr, on pourra en réalité parler de tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Et alors il dit bien, wala yuhituna bihi ilma. Certes, il n'engloutit pas sa science. Allah, on ne sait pas comment il est. Wala yuhituna bihi ilma. Tu ne peux pas en vérité englober ce qu'Allah est. Donc pourquoi tu parles? S'ils ont dit ça, c'est comme s'ils avaient tout vu d'Allah. On voit qu'il dit ceci, il dit cela, il dit ceci, il dit cela. Je vois que ça commence à partir, machallah, quelle heure il est? 7h20. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite, inchallah. Donc, le malak, on a parlé par rapport aux attributs d'Allah, ce qu'on a dit là. Waja'a rabbuka wal malaku, donc les anges. Ainsi, c'est de façon générale, c'est-à-dire l'ange, tous les anges. Donc, il y aura les anges qui sont dans tous les cieux, parce qu'on sait qu'il y a des anges dans tous les cieux. Tous les anges viendront. Après, tous les anges viendront. Et tout le monde les verra. Et après, tout le monde verra donc ces anges. Que ce soit les djinns, que ce soit le hasharat, même les insectes, tout le monde sera là. Toutes les créatures seront là à ce moment-là. Tout le monde sera là. Et tout le monde verra Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dit « Wa idha al-wuhush hushirat ». Donc imaginez-vous un peu comment ça sera. « Wa jiya yawma yadin bi jahannam ». Et ce jour-là, on viendra avec le feu. Donc là, il y aura des anges qui vont tirer, qui vont ramener l'enfer. Elle sera, donc ce feu-là, il sera donc traîné. Il sera donc tiré par les anges. Les anges vont tirer en vérité donc cet enfer. On sait que l'enfer, J'ai une question par rapport à ça. C'est pas tout le monde c'est tout le monde qui va voir Allah en fait. C'est que après les gens quand ils viendront ici, le jour dernier, je sais que lorsqu'Allah va venir avec les anges, le jour dernier, donc ils verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça a l'air ceux qui ne méritent pas de le voir, Allah même le kirjaboun. Tu vois? Donc ils seront en vérité, eux aussi ils ne le verront pas. Alors ils ne leur donnera pas cette permission-là, cette grâce-là. Parce que c'est un délice qui est trop au-dessus d'eux. Donc ils seront en vérité kirjaboun. J'ai une version comme quoi Allahu alem par rapport à ça. J'avais déjà entendu quelque chose comme ça, comme quoi converti, ça ne veut pas dire qu'il ne le voit pas, que ça veut dire converti justement. Allahu alem. Même là par rapport à le fait de voir Azazel justement, donc pour pas que je reste dans le doute, il faudrait que je donne la réponse plus tard, je donne la réponse parce que pour l'instant, même là, par rapport à ceux qui sont Mahjouboul, mais est-ce que c'est là qu'ils ne vont pas voir du tout? Est-ce qu'ils vont voir d'une façon différente? Je préfère garder la réponse pour plus tard, Inch'Allah, de peur que je ne dise pas de bêtises. Donc ici, on est arrivé d'où? On est arrivé, je prends là. Donc, non, l'enfer d'âme. Donc on sait que c'est des anges qui gardent, hein, qui gardent cet enfer. C'est pour ça que dit Kulama O qui a fait un faujoun, ça a la khazanatoa. Alam yatikun nazir. À chaque fois que donc des groupes entrent en enfer, parce que c'est la première chose. Dans les contes, la première chose c'est qui, comment ça se passe? C'est d'abord c'est ceux qui doivent entrer en enfer. D'abord ils entrent en enfer. Et après il y a le reste. Ça se passe comme ça. C'est d'abord les autres, eux en premier déjà, ils entrent en enfer. Et après il y a le reste. Donc le reste. Donc ceux qui surveillent donc cet enfer leur dira, n'est-ce pas qu'un avertisseur vous est venu? N'est-ce pas qu'un avertisseur en vérité donc vous est venu? Donc on voit ici qu'il y aura non seulement Allah qui va venir, les anges vont venir et même l'enfer va venir. Et en ce moment-là, la personne va donc réfléchir, mais c'est trop tard. Hein, donc en ce moment-là, bien sûr, c'est trop tard. Donc à quoi leur sert en vérité leur foi? À ce moment-là, ils vont se souvenir comme quoi en vérité, Allah leur a bien dit comme quoi qu'il était leur hein, n'est-ce pas que je suis votre Seigneur? Et ils diront que oui. Là, c'est trop tard. Mais tant que la vérité elle est là, ta foi ne te sert plus à rien. Maintenant, tu as foi en l'enfer parce que tu le vois. Tu as foi en Allah parce que tu le vois. Tu as foi aux anges parce que tu les vois. Mais quand tu étais demandé d'avoir foi à cela alors que tu ne le faisais pas, donc maintenant ça ne sert à rien. Hein, donc à ce moment-là, celui qui voit, il n'a plus mérite d'avoir la foi parce qu'il a vu. Il n'a plus en réalité donc, le mérite de voir. Donc la foi en ce qu'on voit n'a pas en vérité de bénéfice. C'est pour ça qu'Allah dit Alladina yu'minuna bil ghaib. Après il dit donc Ya laitani qaddamtu li hayati. Donc c'est ce qu'il va dire, hein. Il va dire ça en vérité. Il va dire en vérité donc j'ai fait devancer en vérité donc ma vie d'ici bas. Yawma yadin la yu'adhibu 'adabahu ahad wa la yuthaqu wathaqahu ahad. Donc ici en vérité donc personne pour en vérité châtier du châtiment, personne ne pourra châtier. En ce moment, sauf Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui va châtier, personne. Dans la vie ici bas, il peut très bien avoir quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un. Quelqu'un peut très bien faire du mal. Mais là, ce jour-là, il n'y aura que Allah Azza wa Jalla qui va pouvoir châtier qui il veut. Et personne aussi pourra aider qui que ce soit. Et personne aussi en vérité pourra hein, aider. D'ailleurs, personne en vérité pourra faire quoi que ce soit. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il termine subhanahu wa ta'ala, cela donc par rapport justement donc aux gens, c'est-à-dire à la bonne âme. Parce qu'il dit Ya ayyuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ô bonne âme, reviens. Hein, donc à l'aise, apaisé, reviens en toute sérénité vers ton Seigneur. Donc en acceptant ton Seigneur et aussi tu es accepté. Tu agrées à l'Arzajel et en plus tu et aussi agréé. Donc tu es agréé, comme on voit. Et ça, c'est justement par rapport au Naïm. Le mot dire so, c'est le jinnah khairu min dunya wa mafia. Donc le bâton de quelqu'un, imaginez juste le bâton de quelqu'un au paradis, c'est mieux que la vie d'ici-bas et de ce qu'elle comporte. Alors nous, déjà un château, que on serait ébloui, tout ce qu'on veut. Une merveille, juste une merveille, on est déjà ébloui. Alors imaginez-vous, là on parle d'un bâton, qui a l'origine d'un bâton, c'est quelque chose d'insignifiant. C'est mieux que la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour vous dire que ce qu'il y a dans le paradis, c'est incomparable. Ni par ce qu'on voit, ni par ce qu'on entend, ni par ce qu'on goûte, ni par ce qu'on touche. Tous les sens, ils seront totalement différents. Même si le fruit que tu vas manger, quand tu voudras le même fruit, quand tu vas manger, ce ne sera pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ils vont dire que c'était ce qu'on avait reçu auparavant. Ils vont penser qu'ils ont eu le même fruit. Par exemple, si tu as demandé, c'est un exemple, si tu veux une pomme, un exemple, tu la manges. Et quand tu voudras encore une pomme, si tu vas la manger, ça sera encore autre chose. Mais encore un meilleur délice à chaque fois. Chaque fois, c'est toujours en évolution, toujours meilleur, meilleur, meilleur. Tu penses que c'est la même chose, mais quand tu manges, ça sera quand même un autre goût. Mieux, et mieux, et mieux. Voilà en vérité comment se passe ce moment-là au paradis. Donc là, il dit bien ici. Donc, oh, âme. Ayyatu an-nafs al-mutma'inna. Âme, donc, apaisée. Donc, apaisée. Et on voit que, aussi, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enterré quelqu'un dans le Bakir, il a expliqué. Il a expliqué donc au Bakir comment, donc, lorsque le musulman meurt, le croyant, lorsque l'âme croyante meurt, donc viennent des anges, vient l'ange de la mort, il est beau, et lui dit donc, ô bonne âme, sors vers le pardon de ton Seigneur. Comme on voit un peu dans le verset. Sors donc vers le pardon de ton Seigneur. Il le met dans la nacelle, il prend l'âme, il le donne, il y a des anges qui viennent. Il les pose dans la selle, les anges partent avec dans le ciel. Au premier ciel, qui est-il? Un tel fils d'Atel. Hein, quelle est cette bonne âme? Un tel fils d'Atel. Bienvenue, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il aille au paradis, avant avant d'être enterré. Lorsqu'il entre dans sa tombe, l'âme revient, et après les anges le questionnent. Et quand c'est la mauvaise âme, c'est le contraire. Donc là, il voit un ange qui est hideux. Donc il voit un ange, donc c'est en matière, à l'image, à Kulhal donc de ses actions, parce que l'autre il est blanc, l'autre il n'a pas la même couleur, et il arrache. Et s'il arrache l'âme en vérité, elle ne veut pas venir. Elle veut rester dans le corps. Elle s'arrache d'elle-même. Pour dire que l'âme c'est un corps, même si on ne le voit pas. Elle va s'arracher. Elle va s'arracher, et il sera pris avec un bâton, avec des crochets, imaginez-vous, de force. Et après elle va dans un mauvais linceul. Lorsqu'elle arrive au premier ciel, il dit qu'elle aime cette mauvaise âme. Ils vont l'appeler un tel fils d'un tel, ils vont même l'appeler avec les plus mauvais noms dont les gens avaient l'habitude de l'appeler. Hein? Si les gens avaient l'habitude de l'appeler Shaitan, ben ils vont l'appeler Shaitan, par exemple. Et il ne va pas rentrer dans le ciel. Alors s'il ne rentre pas dans le premier ciel, alors que dire de rentrer au paradis? Si déjà le premier ciel, il ne passe pas. Et lui, il est rejeté, jeté dans un endroit lointain. Jusqu'à ce que lorsqu'il rentre dans sa tombe, les anges lui viennent, et lui, après, il sera châtié. Donc, l'âme qui sera en vérité, en ce moment-là, apaisée. Donc déjà dès le début, dès la mort, le croyant bénin, il connaît déjà donc en vérité l'eau il va aller. Parce qu'il est déjà à l'aise. Il a déjà toutes ses prémices, toutes ses bonnes annonces qui font de lui du khair. S'il entend ça, c'est pas pour aller en prendre enfer. C'est pour aller bénir Azajim donc en paradis. Elle bouchera, les annonces, elles commencent déjà. Une bonne âme, un beau linceul, qui sont bons de misque, des bonnes paroles, ça peut être que du bien pour lui. On l'accueille de la meilleure façon. Donc bien sûr, elle a agréé ce que Allah lui a donné comme bienfait. Et aussi, Allah aussi l'a agréé. Donc Allah dit à Mardia, Fatkhulou fi djinn, fi ibadi, ça veut dire en vérité, va, il reste avec le groupe donc des croyants. Donc tu fais partie du groupe des croyants dont j'ai accepté, hein, parce que les gens qui sont morts avant elle. Hein, donc en vérité, donc les meilleurs, bien sûr, les meilleures personnes. C'est pour ça qu'Allah dit, Fatkhulou fi ibadi. Hein, donc les serviteurs d'Allah Azzajal, dont Allah Azzajal justement a comblé bien sûr de bienfaits. Et on retrouve ça dans l'Ihdina Sirat Mustaqim, Sirat al-Ladina An'amta alayhim, la voie de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Donc c'est eux, Ibadi, ce sont eux. La voie, guide-moi vers le droit chemin, hein, le chemin dont, de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Parmi les envoyés, parmi les véridiques, parmi les martyrs et parmi en vérité les personnes pieuses. Et après, Watrouli Jannati, la fin. Donc le résultat, et entre en vérité dans mon paradis. فَتَعْلَمُ النَّفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Donc chaque âme ne sait pas ce qui leur a été caché comme bon délice pour les yeux. Elle ne sait pas ce qui lui a été en vérité caché dans le paradis. Aucune âme ne sait ce qui est en vérité au paradis. Alors si on ne sait pas ce qui est au paradis, alors encore moins pour Allah subhanahu wa ta'ala. Encore moins en vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici en vérité, donc de façon générale par rapport à cette sourate. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.